18. Observation, accord et désaccord. 1. C'est joli. Oui, c'est joli. 2. Ce n'est pas joli. Non, ce n'est pas joli. 3. C'est joli? Non, ce n'est pas joli. 4. Ce n'est pas joli. Si, c'est joli. Dans 1 et 2, X et Y sont d'accord. Dans 1, ils sont d'accord que c'est joli. Et dans 2, ils sont d'accord que ce n'est pas joli. Mais dans 3 et 4, X et Y ne sont pas d'accord. Dans 3, X dit que c'est joli, énoncé positif, mais Y dit que ce n'est pas joli. Dans 4, X dit que ce n'est pas joli, énoncé négatif, mais Y dit que c'est joli. Si indique un désaccord avec un énoncé négatif.